c'est comme l'affaire de l'hortel. Mon flot en sorcelle, fais monter les décibels. Les trompes sont pas déçues d'elle. ADN, c'est le sang qui coule dans mes veines. C'est ce qu'il y a dans ma tête et ce qui bat dans mon abdomen. ADN, c'est mon prochain long terme. De quoi de légal que j'aime. Les hommes qui jouent dans tes speakers. Pour y arriver, il fallait faire une compte d'ajustement. Jusqu'à temps que ce soit satisfaisant. Y'en a qui doivent nous trouver surprenants. Point encore plus solide qu'avant. Sans depuis au moins 3 ans, si tu me connaissais pas mon grand. Mon nom c'est Bones, aujourd'hui tu l'apprends. Oublié, tu risques de l'entendre souvent. Sois hip-hop indépendant. Aucunement souvent serré directement. Des vœux fraîchement récoltés dernièrement. Paraît que t'agènes quasiment. Paraît que ça fait un bout de temps. Observateur du mouvement. Le boss qui tient debout du temps. Fait notre album qui se vend. C'est presque émouvant, c'est important. Je remercie toutes les participants. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon univers. T'aimes ça, c'est la première seconde qui va t'y plaire. Pour ma part, dans ma mémoire, ça reste remarqué. J'espère que tout jamais dans ta mémoire, ça reste remarqué.